Nous avons des stars dans cette émission, notamment la nouvelle star que vous connaissez à peine. Je vous présente Georges Brassens. Georges Brassens. Bravo, bravo, bravo, bienvenue. Aujourd'hui, Georges Brassens chante du NTM. Ça promet. C'est de la bombe, bébé. Big up, big up. Fenny style. 9-3 connection. Passe, passe le ouinge. Y'a du monde sur la corde à linge. Et par devant, par derrière, j'ai le toucher, nique ta mère. Laisse-moi, zoom zoom zung, dans ta Benz, Benz, Benz. Gol, quand tu pointes ton bumpa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Attention, je termine par une hystérie. Mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Des heures. Putain, 3 heures, maintenant que je t'attends. Marre de faire la bande kilométrique comme trop souvent. Le revoyant me précisant en insistant qu'il me faut arriver dans les temps pour un truc important. Quand t'apparais devant moi, me bitch est mal barré. Pour que je resplore, t'es là, c'est mal barré. Faut que je me décide et fasse mon choix. Tant de réactions très nettes, c'est net. J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre. Ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Voilà, c'est fini, merci. Bravo, bravo, bravo. Si j'aime bien, c'est Chloé qui vous réveille sur Europe 2. Ça le fait gras. Et c'est de la bombe, bébé. Georges Brassens. Aujourd'hui, Georges Brassens chante des chansons grivoises. Pardon? Des chansons quoi? Grivoises? Ça veut dire quoi? C'est pas ça. Ça veut dire quoi? C'est des chansons paillardes. Elles sont paillardes. Elles sont gardes, si vous voulez. Ce n'est plus ton petit doigt qui me chatouille. Je sens bien la douce chaleur de tes couilles. Un jour, la petite Huguette tripote mon âme avec les doigts. Un jour, la petite Huguette, je compte vous pour le mou. Tripote-moi la bite avec les doigts. Bonsoir public, je t'aime. Un dimanche matin avec butin sur ma mobilette, je lui mis les mains tout droit. Direction Kikette. Je termine très haut. C'est la grosse bite. Ah, du dur. Je l'approche, je l'assure. Bonjour. Vous n'avez pas entendu le dernier mot, je peux le redire. C'était elle, bonjour. Voilà, c'est fini, j'espère que je suis pris pour le casting. Eh non, toujours pas, je suis désolé. Même pas pour l'île de la tentation? Ah, peut-être, oui.